Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être venus. Je vois que le Mexique est un sujet qui intéresse. Donc pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claudio Albertani, qui, comme son nom l'indique, vit au Mexique. Est un vrai Mexicain, mais né en Italie néanmoins. Alors tu me dis si je me trompe, parce que là c'est des informations que j'ai trouvées sur Internet. Alors des fois on dit des conneries sur Internet. Alors tu es professeur à l'université de sciences... Ça commence mal. Tu es quel professeur? Oui, enseignant à l'université de sciences sociales de Mexico, auteur d'articles sur la situation au Mexique. Alors pour ceux qui lisent le français, certains sont parus dans CQFD, dans À Contre-temps et sur le net sur Divergence. Il a participé à ce livre qui s'appelle Homme de maïs. Et il nous parlera de son dernier livre qui s'appelle El Espejo de México. Pardon pour l'accent. Crónicas de barbarie et resistencia. Que dire d'autre? Après, tu vas nous parler de. Le sujet de la causerie, c'est la situation du mouvement libertaire au Mexique, mais bon, je pense mouvement libertaire au sens large. Et à ses côtés, il y a Marc Thompson qui est responsable ou qui s'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle Rue des Cascades. Alors on n'en a qu'un ici, c'est un livre de Malcolm Menzies qui parle de la, entre guillemets, bande à Bono ou des bandits tragiques. Mais à son catalogue, il a beaucoup, 5 ou 6 autres titres sur le Mexique, la commune d'Oaxaca. Mexique, calendrier de la résistance, l'autonomie, axe de la résistance à Baptiste, le rendez-vous de Vicam, et aussi un livre de littérature, Les jeux de l'amour et du langage. Tous ces livres ne sont pas là, mais vous les trouverez dans les bonnes librairies, c'est-à-dire les libraires qui font leur boulot peuvent trouver Rue des Cascades grâce au diffuseur Court-Circuit. Je vous laisse la parole à tous les deux, et après, bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que tu as en projet une biographie de Victor Serge. Victor Serge, si vous le savez, a fini ses jours au Mexique, et je crois que tu as rencontré son fils Vladi, et ouais. Tu as écrit des textes sur Vladi, le fils de Victor Serge, qui était peintre, ouais. Et qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Bon, je remercie pour l'invitation, je m'excuse pour mon français qui est terrible. Et je dois dire que, bon, si je dois parler du mouvement libertaire, je dois dire tout de suite que je ne suis pas militant d'aucun groupe libertaire, mais enfin, je m'identifie avec le mouvement en général. Et enfin, je suis arrivé au Mexique il y a 30 ans, et peut-être ça peut être intéressant de savoir que. En arrivant, je ne me suis pas tout de suite intéressé, même si j'avais moi-même une formation libertaire, je ne me suis pas tout de suite intéressé au mouvement libertaire, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait pas vraiment un mouvement libertaire au Mexique. C'était un endroit où, même s'il y a, bon, ici je vois Ricardo Flores Magón, il y a un courant libertaire très intéressant qui s'est développé au Mexique, mais ça a été presque annulé par disons la culture nationale populaire, le parti communiste et aussi le parti qui était au gouvernement à l'époque, qui c'était le parti qui se réclamait de la révolution mexicaine, le PRI, non? Parti de la révolution institutionnelle. Donc, savoir avec ce qu'on va à dire, parce que parler du mouvement libertaire au Mexique, ça veut dire, je crois, d'abord parler de la question indienne. Et c'est ça qui m'a intéressé quand je suis arrivé là-bas il y a 30 ans. Et je crois que 30 ans après, c'est de ça qu'il faut commencer si on veut comprendre ce qui se passe dans ce pays qui est. Par ailleurs, très compliqué. Ceci dit, Enfin, je parlerai après, à la fin, un peu du mouvement, de ce qu'il y a maintenant. Il y a, je crois, maintenant, une mouvance libertaire au Mexique, qui est très récente et qui est très intéressante. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe à un niveau plus large. Et je crois que la première chose qui frappe quand on arrive au Mexique, où on parle du Mexique, c'est le niveau de violence qu'il y a dans ces pays. Hein. Et vous pouvez me dire que cette violence existe ailleurs aussi, en Moyen-Orient, beaucoup d'endroits, c'est pire, beaucoup pire qu'au Mexique. Mais ce qui se passe au Mexique, c'est que cette violence arrive d'un seul côté, le côté du gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, en Amérique centrale, dans les années 90, il y avait une guerre, mais il y avait des guérillas armés qui répondaient et qui étaient dans une situation de se défendre avec les armes. Au Mexique, il y a, je crois, bon, je crois aussi qu'il faut dire que c'est un laboratoire social. Donc il y a des mouvements sociaux qui s'expriment à différents niveaux, mais c'est surtout des mouvements pacifiques. Et par ailleurs, la réponse du gouvernement, c'est toujours violent. Et c'est ça qui frappe d'abord, non? C'est décalage entre une violence gouvernementale d'un côté et des mouvements qui ne sont pas du tout violents. Bon, donc dans mon livre je pose la question pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc quand on va voir où cette violence existe, on se rend compte que c'est surtout dans les régions indiennes. Donc la géographie de la violence au Mexique, la géographie de la répression, ça passe pour les régions indiennes. Donc c'est les Sierras, c'est l'état de Chiapas, et bien sûr l'état de Oaxaca, l'état de Veracruz, l'état de Guerrero, un peu le nord, mais c'est surtout ces états-là. Donc ensuite, on se demande pourquoi les Indiens, pourquoi cette violence contre les Indiens. Donc, il y a beaucoup de réponses possibles. Je crois que la première réponse, c'est la résistance. Donc, c'est ces civilisations qui sont les héritières d'une longue tradition, effectivement, résistent à la barbarie. Qui avance au Mexique d'une façon qui est assez spécifique. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils ont une socialité, ils ont une façon de résister à cette colonisation qui se renouvelle tout le temps, qui est, disons, pas compatible avec la civilisation que nous connaissons, la civilisation occidentale capitaliste. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème, et la seule façon qu'ils ont, que l'État a de répondre à ça, c'est par la violence. Et donc une violence barbare, une violence que, bon, ces chroniques que j'ai publiées, ça remonte il y a 2 ou 3 ans, ça part surtout du mouvement de Oaxaca, peut-être beaucoup de vous on a entendu parler de ça, et aussi de Chiapas un peu. Et donc j'essaie de faire le bilan de ce qui s'est passé en 2006. C'est 2006 au Mexique, c'était une année disons très important pour les mouvements sociaux. Et il y a eu des différentes choses qui ont bougé. Donc c'est Oaxaca, c'est Chiapas, c'est la ville de Mexico. Et la réponse, notamment à Oaxaca, ça a été une violence barbare. Trois ans après, enfin dans les livres, parce que moi je fais partie aussi d'une commission d'observation des droits humains qui est autonome, qui a été créée par des camarades espagnols, catalans notamment, et dont on fait partie des gens de plusieurs pays. Et donc grâce à ça, grâce à cette expérience avec la commission, j'ai eu l'opportunité d'interviewer beaucoup de gens et j'ai eu connaissance de premièrement de tous ces procédés de torture et de répression barbare qui a été mise en place à l'époque. Donc on peut dire que ça a été une réponse de guerre sale, de sale guerre, comme on dit, sale guerre. Style Amérique centrale, années 80. Mais la différence, encore une fois, c'était que dans les années 80, en Amérique centrale, il y avait une guerre où il y avait quand même deux armées qui étaient l'une face à l'autre. Et en 2006, il n'y a pas... il y a bien sûr, on peut parler de ça, il y a des groupes armés qui existent au Mexique, mais que par exemple, et notamment à Oaxaca, mais qu'en 2006, les différents groupes armés n'ont pas tiré un seul coup. Ça parle aussi assez bien de ces groupes armés qui ont eu le sens de responsabilité de ne pas être actif pour ne pas donner l'occasion à l'État de réprimer. Donc l'État a dû inventer un autre groupe qui à un moment donné a été créé par le gouvernement pour montrer qu'il y avait un danger de soi-disant terroriste. Non? Et ce qu'on a vu en 2006, ça a été... de 23 morts, un numéro inconnu de disparus, face à un mouvement surtout pacifique qui n'a pas commis des actions, disons, violentes, sauf un peu d'autodéfense, faire des barricades, mais même les barricades dont tout le monde a eu connaissance, c'était... surtout des barricades de défense, non? C'était pour un pays. C'est-à-dire, c'était pas des barricades devant. Il y avait des barricades comme des émeutes style la Grèce, par exemple, il y a des ans. C'était surtout des barricades qui avaient été faites pour empêcher les groupes paramilitaires qui commettaient des assassinats de pouvoir bouger avec ces camionnettes et de tuer des gens. Que c'est passé. Hein. C'est ça qui frappe, c'est pour ça que je crois qu'il faut commencer par ça, c'est ça qui frappe les visiteurs. Et trois ans après, à ce niveau de répression, même si les mouvements, les conflits sociaux a sûrement un peu passé suite justement à la répression, mais le niveau de répression n'a pas... baissé. Dans les dernières deux ou trois semaines, il y a eu plusieurs assassinats des activistes sociaux au Mexique, dont le dernier épisode, c'est il y a une semaine dans l'état de Chihuahua, une femme, une jeune fille de 23 ans, qui elle était active dans la défense des femmes, parce que vous savez, il y a dans le nord du Mexique, il y a eu cette barbare vague d'assassinats de femmes, non? Par des groupes paramilitaires. Ça, c'est une autre histoire. Ça n'a pas spécialement à voir avec les mouvements sociaux. C'est plutôt le narcotrafic. C'est des histoires très étranges. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces femmes qui se font tuer à Ciudad Juárez et dans les alentours, c'est des immigrés, c'est des jeunes femmes. Qui travaillent dans des maquilladoras, des industries ouvrières. C'est des jeunes ouvrières émigrées, parfois d'origine aussi indienne, qui sont séquestrées et ensuite apparaissent mortes. Donc, évidemment, il y a un complice, c'est une histoire pas claire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une complicité entre l'État, la police et les assassins. Donc, par exemple, il y a une semaine, une fille qui était activiste sociale dans la défense des victimes, parce qu'il y a une association de familiers des victimes, elle s'est fait aussi assassiner. Ça, dans le nord. Ensuite, dans l'état de Chiapas, où il y a les zapatistes, chez les zapatistes, il y a toujours des problèmes, mais à ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans la même zone, il y a une lutte, par exemple, qui s'amène contre une mine canadienne qui pollue la région et qui fait des dégâts dans les alentours. Donc, un activiste d'une communauté indienne a été aussi assassiné avec la complicité de l'État. Et aussi dans une autre communauté qui s'appelle Venustiano Carranza, il y a eu une vague d'arrestations. C'est-à-dire, c'est toujours très délicat. Non? C'est, peut-être la répression a un peu baissé, mais c'est toujours très forte. Donc, comme je disais tout à l'heure, la demande à se faire, c'est pourquoi les Indiens. La réponse, c'est que ça ne veut pas dire que les Indiens sont des anarchistes dans le sens idéologique du terme, mais la socialité qu'ils ont, ça représente un danger. Donc, par exemple, au Mexique, et dans ces cas-là, notamment à l'état de Oaxaca, on parle de communalité. Et ça, pour dire les types de sociétés qu'ils ont et qu'ils défendent et qui est agressée par l'État. Et pourquoi est-ce qu'elle est agressée? Parce que, disons, les types de capitalisme qui existent au Mexique, c'est un capitalisme de barbares, de rapines, comme on dit, prédateurs. Il y a beaucoup de projets, les mines, la richesse biologique, la piraterie des savoirs collectifs qui intéressent les grandes compagnies. Il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu, le tourisme aussi. Les grandes routes, les méga projets, aussi il y a par exemple beaucoup de projets d'électricité pour faire des barrages, on dit, non? Des barrages qui détruisent des communautés entières. Donc effectivement, les gens ne se laissent pas faire. Il y a la capacité par ces communautés, même parfois très isolées, mais ils ont cette capacité de résistance. Donc c'est ça qu'il faut frapper, la capacité de résistance. Cette capacité de résistance vient d'une forme sociale qui est héritière d'une longue histoire aussi de résistance contre le colonialisme, mais qui existe toujours. Tous ces projets de barrages, d'électricité, c'est toujours, il y a une capacité de lutter contre ça. Et donc, la réponse de l'État, c'est la répression, c'est les séquestrer les dirigeants, c'est les liquider. Ça dépend des endroits et des moments. Il y a des moments où c'est la répression est plus forte, des moments où elle est moins forte. Mais c'est surtout une situation de conflit permanent. Bon, ceci dit, il ne faut pas croire, je crois, bon, si on parle d'un mouvement libertaire, il ne faut pas tomber dans l'idéalisation de ces communautés non plus. Non? C'est-à-dire, il ne faut pas croire, je pense, que ce soit des modèles, par exemple, à suivre. Eux-mêmes, ils le disent, non? Par exemple, les zapatistes ont toujours dit on ne veut pas qu'on nous imite, non? Donc, parfois, il y a, je crois, en Europe, une tendance à idéaliser cette résistance indienne comme une forme de résistance qui universelle, qui est valable, par exemple, ici. Je crois que ça, c'est une erreur. Et chose qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas soutenir et même admirer ces gens de résistance. Non? Mais je crois que même les Indiennes parlent de ces communautés pas comme quelque chose, disons, comme les secrets de la communauté enfin découverte, mais comme quelque chose qu'eux-mêmes ils cherchent. Non? La différence peut-être entre le Mexique et l'Europe, c'est qu'au Mexique, il y a cette urgence de récupérer cette communauté qui est quand même agressée et qui se défend, mais quand même a été un peu désarticulée et qui essaye de se reconstruire. Et il y a cette urgence, et ça c'est très fort, ça se sent. Et ici, peut-être, cette urgence n'est pas si urgente que ça, non? Donc, c'est ça surtout. Et je crois que c'est très important de comprendre et de ne pas tomber dans l'idéalisation de tout ça, non? Mais c'est des luttes très importantes, et c'est dans ce sens, je crois qu'il faut parler du Mexique comme d'un laboratoire. Un laboratoire où il y a, en même temps, le maximum de barbarie, le maximum de répression, le maximum de violence étatique, et aussi le maximum de résistance, le maximum de capacité de résister à toute cette agression qui vient du dehors. Donc, ceci dit, il n'y a pas seulement ça qui se passe au Mexique. Je crois que vous tous, vous connaissez, il y a d'un côté Oaxaca, Chiapas, disons ça c'est le mouvement indien. Ensuite, il faut voir que tout récemment, il y a aussi un mouvement urbain qui est très intéressant, qui se développe. Peut-être, par exemple, à Mexico, nous on vit dans les alentours de Mexico, nous avons vécu en 2006 l'occupation du centre-ville de Mexico, qui l'occasion c'était la fraude électorale, mais qui, je crois, a complètement dépassé les partis de la gauche officielle qui avaient promu cette occupation du centre-ville, et qu'on a vu à Mexico une chose presque surréaliste, la ville monstre, on l'appelle à Mexico, la ville la plus grande du monde, tout d'un coup le centre historique être occupé par des gens qui faisaient de tout, du théâtre, de la poésie, de la musique. Vous aimez la musique classique, il y avait des concerts de musique classique, vous aimez les punk, il y avait de la musique punk, il y avait de tout. Hein. Et ça a débordé. Et ça a duré 45 jours, 2 mois environ. Ça a débordé complètement, et c'est ça que je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, les partis perdaient, qu'il avait promu comme réponse à la fraude électorale, non, de 2006, que effectivement les présidents qui l'ont mis ici, l'extrême droite n'a pas gagné les élections, c'était les candidats de la gauche qui les a gagnés, non? Et peut-être il allait être pire que lui, mais ça c'est, c'est pas intéressant à savoir. C'est qui c'est intéressant, c'est que la réponse des gens a été plus loin, est allée plus loin que la situation politique, que la défense du vote, non? Et ça aussi, ça a à voir avec cette tradition qui déborde la socialité capitaliste, disons, des communautaires, par exemple, on appelle Plantón, non, à Mexico, c'est Plantón à Oaxaca, Plantón à Mexico, c'est-à-dire occupation du centre de la ville, il y avait la solidarité en marche. La solidarité des gens, par exemple, la bouffe, les vieilles dames qui amenaient, on a vu ça à Oaxaca, qui amenaient la soupe pour tout le monde, qui amenaient de la bouffe, qui amenaient des cadeaux. Voir cette forme de solidarité plus loin que les formes politiques que ça pouvait avoir, et ça. Je crois que ce qui est intéressant, c'est voir les convergences que peut-être à l'époque, il y a 3 ans, ce n'était pas évident. À mes yeux, maintenant, c'est clair que ça part d'une résistance que ça a beaucoup de points en commun. Non? Et après, maintenant, il y a d'autres choses qui se passent dans le contexte de cette... cet état barbare, ce capitalisme barbare qui existe au Mexique, il y a l'effort de détruire tout ce qui a à voir avec la révolution mexicaine, hein, dont on va célébrer les 100 années en 2010. Donc tout ce qui a été l'industrie publique, tout ça, ça doit disparaître. Entre autres, il y a 2 mois, l'industrie de Mexico, de la ville de Mexico, de l'électricité, a été détruite par l'État. Et ça pour 2 raisons. D'un côté, un syndicat qui, tout en étant sûrement pas libertaire, mais en même temps pas corporatif non plus, un syndicat, disons, indépendant de l'État, donc c'est quand même un problème, donc il fallait le détruire, et ça. Et de l'autre côté, une industrie qu'il faut privatiser, parce qu'il faut tout avaler, il faut surtout faire du fric. On peut dire que le slogan du gouvernement, c'est le contraire du slogan zapatiste, rien pour nous, tout pour tous. Le gouvernement dit tout pour nous, rien pour vous. Et ils le font. Ils le mettent en pratique. Et donc ils ont annulé un syndicat dans un acte, un verdict présidentiel, et ils ont fermé l'industrie électrique de la ville de Mexico. Et ça a. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils croient, c'est comme à mon avis, c'est comme un expériment d'ingénierie sociale. Non? Ils essayent de voir jusqu'à quel point ils peuvent pousser la répression, la privatisation. Non? Et je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas du tout, mais quand même les gens râlent. C'est les gens protestent. Il y a un mouvement, ça s'est passé le 15 octobre, il n'y a même pas 2 mois, et il y a un mouvement urbain ouvrier qui est en train de se recomposer, qu'on ne peut pas dire où ça va aller, on ne peut pas dire non plus que c'est un mouvement où les libertaires ont beaucoup d'influence, mais c'est quand même dans les conflits sociaux. Qui se passe au Mexique, c'est quand même quelque chose de très important, non? Qui peut peut-être amener à une nouvelle façon de nuancer les luttes dans les régions indiennes et les luttes urbaines. Par exemple, les syndicats qui étaient disparus, et il y a quelques jours a écrit une lettre aux sapatistes en disant qu'ils adhéraient au projet sapatiste, etc., qu'ils attendent sa réponse, donc ils proposent une alliance. Les gens d'Atenco, peut-être vous avez entendu parler d'Atenco, c'est une lutte contre... Atenco, c'est un village dans les alentours de la ville de Mexico qui, en 2002, a gagné une lutte contre la construction d'un aéroport. C'était une lutte assez dure, assez violente, il y a aussi des morts, mais ça a été gagné. Donc Atenco c'est devenu au Mexique un symbole qui parle de la possibilité de gagner des luttes à l'État, de gagner des espaces publics. Maintenant il y a les gens d'Atenco se sont alliés avec les syndicats des électriciens. On attend la réponse des sapatistes. Donc, il y a à ce moment tous ces. Tout ça, ça existait parce qu'après, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'exilés espagnols, que García Oliver était vivant quand je suis arrivé là-bas, et que beaucoup d'autres étaient aussi vivants, qu'ils ont laissé des traces, et que grâce aux exilés, aussi aux héritiers du mouvement magoniste, il y avait toujours des petits groupes qui existaient, qui éditaient des brochures, qui éditaient des livres, mais on ne pouvait pas dire qu'il y avait une mouvance libertaire à Mexico, non, au Mexique en général. Et depuis, il y a une quinzaine d'années, en partie grâce aussi à la révolte sapatiste qui a posé la question politique d'une nouvelle façon, il y a chez des très jeunes gens, il y a une nouvelle intérêt pour créer, il y a beaucoup de collectifs libertaires qui sont nés, par exemple dans des lycées, des très jeunes gens, non, des gens de 18 ans, 19 ans, qui se sont approchés à ça, aux idées libertaires, parfois par la musique, parfois par la culture, parfois par les idées sapatistes, et que maintenant, ça fait, surtout à Mexico, mais aussi à Oaxaca, une mouvance qui est assez vivante. Il y a beaucoup de collectifs. Je pourrais parler, il y a un collectif qui s'appelle CAMA, Collectivo Autonomo Magonista à Mexico, qui a eu l'idée de créer une fédération libertaire locale, fédération locale libertaire, à Mexico, donc ça ressemble beaucoup à d'autres petits collectifs. Qui ont déjà une revue, Ayuda Mutua, Entraide, ça s'appelle. Il y a à Oaxaca, il y a aussi, suite à la révolte de 2006, il y a 4 ou 5 collectifs libertaires qui sont nés. Il y a un effort de créer une fédération libertaire mexicaine avec des problèmes. Il y a eu un congrès anarchiste en 2007 qui a jeté les bases pour après la création de cette fédération locale libertaire à Mexico, et il y a toujours l'espoir de créer une fédération à niveau national. Donc ça a à voir aussi avec les vieux groupes qui existaient depuis les exilés espagnols. Il y a peut-être ici aussi une délégation avec la Bibliothèque sociale reconstruite. Oui, on en parlera, qui et a été fondée par un anarchiste espagnol de la Révolution française qui s'appelle Ricardo Mestre, et qui est mort, mais que les gens qui l'a formé ont à voir aussi avec les nouveaux collectifs qui sont nés à Mexico. Non? Donc, il y a aussi deux ou trois locaux comme le Foro Alicia à Mexico qui font des choses avec les zapatistes, avec l'autre campagne. Enfin, il y a beaucoup de ferments. C'est très étrange par rapport à l'Europe, moi que je suis finalement européenne, que je vis là-bas. Il y a beaucoup de nécessité, par exemple, de rencontres, de connaître là-bas, de connaître des gens, de lire des livres. Suite à la situation des années 70 où il n'y avait rien, donc par exemple, si vous, il n'y a pas de librairie libertaire à Mexico. Hein. Il y a des groupes, ça c'est très intéressant. Je connais un collectif qui s'appelle Hormiga Libertaria, qui font des petits livres qui évidemment ne se vendent pas dans les librairies, mais qui se vendent dans la rue à 2 euros. Ils republient des textes classiques qui descendent de l'Internet, hein, par exemple. Donc, tous ces jeunes lisent beaucoup l'Internet, non? Leur façon de connaître leur manière, la seule manière qu'ils ont de connaître les idées libertaires, c'est par l'Internet. Mais il y a par exemple ces collectifs qui ensuite les publient, donc, et on les envoie aux détenus politiques, qu'il y en a beaucoup. Et je crois que c'est quelque chose de très important qui est tout récent, mais qui va à donner beaucoup de choses. Non? Bon, qu'est-ce que. Peut-être pour terminer, ajouter à ce que je disais tout à l'heure, que. Les agressions et la défense, maintenant, c'est dans les territoires, pour, bon, je l'ai dit un peu, les transnationales, les compagnies des mines, tout ça. Ces collectifs libertaires soutiennent les luttes, par exemple, qu'il y a à Oaxaca, qu'il y a au Chiapas. Ces collectifs, en général, font partie des fédération, de, par exemple, s'appelle Alianza Amagonista Zapatista, qui soutient les zapatistes, c'est des collectifs urbains, ont des relations avec Oaxaca. Il y a beaucoup de problèmes, il ne faut pas les cacher, par exemple, à ce moment, les zapatistes sont assez isolés, ils ont fait, je crois, beaucoup d'erreurs politiques, ils sont devenus, à mon avis, assez sectaire et même autoritaire, donc c'est très difficile d'avoir des relations avec eux. Ils ne sont pas ouverts à soutenir d'autres luttes, ça il faut le dire. Par exemple, ils n'ont rien dit à sujet de ces luttes qu'il y a eu, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et même dans leur état, au Chiapas, il y a au moins deux foyers de lutte, Venustiano Carranza et la lutte contre la mine canadienne. Les zapatistes n'ont rien dit. Il y a eu un massacre, on parlait tout à l'heure avec Marc, il y a un an, des paysans dans les territoires zapatistes, mais ces paysans n'étaient pas zapatistes, les zapatistes n'ont pas dit un mot. Les collectifs qui soutiennent les zapatistes aussi ne disent pas un mot sur les luttes qui ne sont pas zapatistes. Ça, je crois que c'est aussi une erreur, surtout ici en Europe. Donc, il y a des problèmes. Mais, pour terminer, je crois qu'il faut voir le Mexique comme un laboratoire, non? Un laboratoire de lutte sociale, un laboratoire de répression et où il y a beaucoup de choses qui se passent et ça vaut la peine de suivre parce que c'est toujours un endroit où il y aura des choses qui des luttes qui se passent qui ont quelque chose à dire hors la situation locale. Non? Je crois que c'est la grande différence entre les Mexiques et d'autres pays que, comme je disais tout à l'heure, ils ont peut-être des situations de répression même pires, mais qui ont ces luttes-là n'ont pas eu la capacité de communiquer ailleurs. Et bon, ça a commencé avec les zapatistes, mais en 2006 avec Oaxaca, ça a été la même chose. La révolte de Oaxaca a communiqué beaucoup de choses en Europe, et aux États-Unis et dans le monde entier. Non? Donc ça, c'est, il faut les considérer et c'est pour ça que c'est intéressant. Et je crois que ces contenus que les luttes mexicaines communiquent, c'est des contenus plutôt libertaires, même si les groupes, c'est pas nécessairement des groupes libertaires, c'est pas des gens qui se disent anarchistes. Donc il faut voir plus loin que l'idéologie. Et en même temps, il ne faut pas jamais idéaliser, jamais présenter ça comme la solution pour les problèmes qu'il y a ici. Ici, il y a d'autres problèmes. D'autres problèmes, et ce qui est intéressant, c'est que de savoir qu'ailleurs, il y a des gens qui luttent et qui ont des choses à nous dire. Hein. C'est ça que, pour le moment, je voulais dire. Merci. J'ai vu entre-temps, peut-être, les livres dont j'ai parlé au début sont arrivés. Je suis content. Ben, merci à Gilles qui est allé chercher les quelques livres qui étaient heureusement pas très loin. Merci à vous d'être venus. Bon, moi, ce que j'ai ajouté à ce que vous dites, c'est que je suis correcteur de bord d'imprimerie. Ensuite dans la presse, et depuis que j'ai été mis en retraite après un licenciement, j'ai recommencé à publier des livres de temps à autre. Il y en a 6 qui sont parus en 2 ans. Ça s'appelle Rue des Cascades, parce que c'est le nom de la rue où j'habite à Nîmes longtemps. Donc je peux aller chercher bien loin. Et 4, pour l'instant, 4, il y en aura d'autres. Ah ouais. Ok. Il y a tellement de monde dans le couloir. Il y en a jusqu'au bout. Bon, je disais qu'il y a une parmi ces livres, donc c'est une association hein, en fait que j'anime pratiquement seul. Mais il y a une collection qui s'appelle les livres de la jungle et qui est consacrée essentiellement à la question des peuples dits originaires, indigènes, aborigènes. Enfin, il y a pas mal de façons de les appeler. En général, eux-mêmes ne s'appellent pas comme ça. Et donc, de ces peuples qu'on peut dire aussi sans État. Ce qui veut dire que je participe aussi à une émission sur Radio Libertaire qui s'appelle Terre et Liberté, qui est une émission mensuelle qui dure depuis 1 an et qui va continuer sur la même thématique que cette collection de livres qui a commencé en 2007. Donc ça a commencé avec des livres effectivement sur les zapatistes à partir de leur pratique de l'autonomie qui dépasse la question du Chiapas et de l'armée zapatiste, puisqu'elle se retrouve dans tout le Mexique à travers le Congrès national indigène. Donc il y a un livre de tout simplement de Marcos, sous-commandant de l'armée zapatiste, qui a une certaine importance puisqu'il est écrit il annonce la création, il est créé en 2003 et il annonce la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les conseils de bon gouvernement, juntas de buen gobierno, et l'installation des 5 caracoles, ça veut dire escargot en français, mais c'est des centres civils qui ont été bâtis par les hommes et les femmes, ce qu'il forment ces communautés, qui vivent dans ces communautés indiennes rebelles, depuis maintenant, en rébellion depuis 16 ans, le 1er janvier 1994, et qui donc ont organisé leur territoire en 5 régions avec une forme d'autogouvernement. Ce qui effectivement interpelle le courant libertaire et qui rappelle quelques souvenirs. Là, il y a un petit essai d'un ami qui s'appelle Raoul Ornelas Bernal, qui a vécu 5 ans à Paris, qui est mexicain, et justement qui essaie de réfléchir sur l'autonomie comme axe de la résistance, de cette résistance zapatiste, et qui fait des comparaisons avec d'autres moments dans l'histoire sociale, et entre autres avec la Makhnovchina en Ukraine, mouvement paysan aussi, et aussi avec les collectivités agricoles en Aragon et en Catalogne en 1936, 1937, 1938. Donc il y a tous ces exemples historiques qui ressortent à travers la pratique de l'autonomie par le mouvement qui s'appelle zapatiste, hein, en référence à Emiliano Zapata et la révolution qui a maintenant 100 ans. Mais il y a aussi d'autres, ça s'étend, puisque le dernier livre, Le rendez-vous de Vicam, hein, c'est des textes qui ont été réunis par un ami français qui s'appelle Joanny Okengen, qui vit depuis 30 ans à Mexico et qui a participé. Il y a d'autres que lui qui sont ici même et ont aussi assisté et participé et pourront, j'espère, intervenir comme Georges à cette rencontre. Qui a eu lieu à la fin de l'année, en octobre 2007, à Vicam. Là, on est loin du Chiapas, on est tout près de la frontière nord du Mexique, près des États-Unis, dans l'état de Sonora, d'où vient Patricia, qui est là aussi, et donc dans un village yaqui, Vicam, je crois que ça veut dire la pointe de la flèche, quelque chose comme ça, c'est ça. Et Joanny a enregistré les interventions et il les a ensuite saisies, et il a fait un choix, et donc il y avait en anglais, en espagnol, puisqu'il y avait une participation importante de peuples indiens d'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, et du Mexique évidemment, et dans une moindre mesure d'Amérique du Sud. Et il a donc traduit en français, ce qui donne le volume qui a été publié il y a un an, en décembre 2008, le rendez-vous de Vicam. Et enfin, et là l'auteur est ici, donc il en parlera peut-être mieux que moi, la commune de Oaxaca, Claudio l'a largement évoqué, c'est ce mouvement peuple, de la population en grande part indienne de cette région du sud-est du Mexique, Oaxaca, et en particulier de la capitale, ce mouvement qui a eu lieu il y a 3 ans, en 2006, et où la ville de Oaxaca, d'une part, s'est soulevé et s'est auto-organisé, ça a pris la forme de ce que certains ont appelé une commune. Le mot a été employé au Mexique même, si mes souvenirs sont bons, d'abord par Carlos Beas, qui est un luchador social, non, combattant de la lutte sociale sur Oaxaca, qui est dans une des multiples organisations paysannes et indiennes, qui est dans l'isthme de Tehuantepec, la partie la plus étroite du Mexique, et qui avait, à propos de cette auto-organisation, de ce soulèvement de la ville d'Oaxaca, avait parlé de avait évoqué le souvenir de Louise Michel, d'Élisée Reclus, qui hantait Oaxaca, et donc faisant une correspondance avec, avec la commune. Et donc Georges, qui était là-bas à ce moment-là, a tenu une chronique de, à chaud de tout ce qui se passait, et ça a donné lieu à ce livre qui était, dont des textes étaient aussi parus, avaient été aussi publiés par CQFD, dans une coédition, je crois, avec l'Insomniac, donc sous le titre de la, la commune libre d'Oaxaca. Donc, voilà, il y a les deux états là, aujourd'hui. Puisqu'on parle de CQFD, il y a un autre livre, c'est dommage qu'il ne soit pas là, c'est la boîte du Jaguar. Ça aurait été bien de... Il n'y en a pas ici ? Non, je cherchais. Dommage. Qui est aussi paru, enfin, dans le, c'est une conversation que Georges a eue avec Ruben Valencia, qui est lui-même zapothèque aussi de l'isthme de Tehuantepec, donc de cette région de Oaxaca. Et David Venegas, son nom est Alebrije, qui était un des porte-parole de, du mouvement des barricades, et lui c'était Brenamiel, c'est ça, donc délégué par la barricade de Brenamiel pendant ce soulèvement de l'Assemblée populaire des peuples d'Oaxaca, la PAU, en 2006, qui donc a tenu cette ville de peu près 300 000 habitants. Non, c'est presque un million de la ville. C'est grand. Hein? Je dirais 300-400 000. La ville même. C'est ça, non? C'est toujours un mystère. À mon avis, c'est plus que... On fait une moyenne, 700 000. En tout cas, c'est ça a duré donc du mois de juin 2006 jusqu'à la fin du mois de novembre, et avec des forces policières et militaires très importantes, avec des blindés légers, des hélicoptères, etc., qui ont mis plus d'un mois à reprendre cette ville à la population, tout le mois de pratiquement de fin octobre à fin novembre. Donc cette conversation là que Georges a eue avec David et Ruben est passionnante. Elle avait aussi été, s'il y a bien un des rares journaux qui s'en est fait l'écho, qui fait l'écho de tout cela dans l'Hexagone, c'est CQFD, qui est aussi marseillais. Et donc ces conversations avaient commencé à apparaître dans CQFD. Elles ont été réunies dans le volume qui s'appelle La Voix du Jaguar. Tout cela pour revenir maintenant. Donc là, je présentais un peu les bouquins. Il y en a d'autres en perspective. Mais il ne faut pas être trop pressé, c'est moyen d'en publier à peu près deux, enfin trois par an, mais guère plus. Et sinon, pour revenir donc au sujet, moi j'ai découvert le Mexique pratiquement il y a bientôt 15 ans à travers le mouvement zapatiste, en fait à travers les contacts que j'avais gardés avec le mouvement libertaire en Espagne et pratiquement à Barcelone. Donc ça veut dire que pendant l'année 1994, à Paris, juillet, j'arrivais pas à trouver dans aucun milieu politique de gauche, d'extrême gauche ou libertaire, à trouver un lien, une information avec ce mouvement indien au nom de se réclamant d'Emiliano Zapata et de Ricardo Flores Magón, anarchiste mexicain. à Paris, je ne sais pas, à Marseille en 94, mais à Paris, on ne trouvait rien. Et c'est en retournant à Barcelone l'été même, l'été 94, que j'ai trouvé dans le quartier qui s'appelle Gracia un petit stand. Avec des textes, des tracts, des petites brochures au sujet de ces zapatistes. Et je me suis rendu compte que les jeunes gens, je crois qu'ils avaient une vingtaine d'années, qui tenaient ce stand et qui se considéraient comme libertaires, pour la plupart étaient dans des maisons occupées, c'était des coupas, non de, nous on dirait des squats, et dans divers projets d'auto-organisation au niveau de leur production, que ce soit de livres ou autres, de vie en commun, et certains d'entre eux étaient déjà allés, revenaient du Chiapas même, dont un vieux copain, lui qui n'était pas si jeune que ça, Iñaki, que j'avais connu dans les Athénées libertaires à la fin des années 70 à Barcelone, et qui avait donc établi un contact direct avec ces mystérieux zapatistes, hommes et femmes sous leur passe-montagne au fond des montagnes du Chiapas. Donc c'est à travers ce réseau libertaire catalan en l'occurrence, que j'ai pu avoir une information. Et en rentrant à Paris, quelques semaines plus tard, les copains et copines de Barcelone nous demandaient, à Eva, ma compagne, à moi, d'accueillir quelqu'un qui est mort maintenant, en 2004, qui s'appelait Amado Avendaño, et qui avait été, alors ça c'est pour des, ça doit être un crime en milieu libertaire, mais bon, qui avait été candidat au poste de gouverneur l'été 1994, soutenu, c'est la seule fois où le ZLN s'est occupé d'un processus électoral, donc ils ont soutenu un candidat qui n'était membre d'aucun parti, c'est important, et qui était porté par les organisations sociales et la société civile et les zapatistes au Chiapas. Cette organisation sociale, ça peut vouloir dire les associations urbaines, les groupes de femmes, les groupes de quartiers, les groupes de jeunes aussi, et aussi bien organisations paysannes, il y en a beaucoup, en général elles se réclament toutes d'ailleurs d'Emiliano Zapata. Les zapatistes n'ont pas l'exclusivité. Enfin, les zapatistes de l'EZLN n'ont pas l'exclusivité. Ces derniers temps, on a pas mal parlé de l'OCEZ, organisation paysanne, Emiliano Zapata, qui elle-même est divisée d'ailleurs en plusieurs OCEZ. Donc toutes ces organisations qui sont souvent rivales, que ce soit au Chiapas ou à Oaxaca, c'était unis derrière la candidature d'Amado. Amado qui faisait un petit journal chez lui, vraiment à la maison, mais quotidien, il s'appelait Tiempo, à San Cristobal de las Casas, et qui avait fondé cette petite, c'était une feuille distribuée par les mouflets à San Cristobal, et qui avait fondé ce petit journal fabriqué et imprimé à la maison en 1968. Et c'est quand les hommes et les femmes de cette armée zapatiste, avec quelques fusils et le visage plus ou moins masqué par des paliacates ou des passe-montagnes, ont occupé le 1er janvier, pendant à peu près 24 heures, hein, quelques villes du Chiapas, 1er janvier 1994, ils se sont adressés à Amado en disant « Mais toi, on te connaît et ton journal est choisi pour recevoir ce qu'ils va devenir les fameux communiqués de cette EZLN, Ejército Zapatista. Bon, la plupart sont écrits par ce sous-commandant insurgé Marcos. Et en plus, la presse mondiale est arrivée, ce mouvement a été très rapidement médiatisé, et l'endroit à San Cristobal où tout le monde débarquait, c'était chez Amado, chez lui, pour se renseigner et savoir d'où sortaient ces Indiens et Indiennes rebelles en armes, etc. Voilà, donc en 94, il a été candidat, soutenu par toute cette alliance-là, et évidemment la réponse, comme souvent au Mexique, ça a été un attentat. La voiture dans laquelle il se trouvait a été écrabouillée par un camion, et il y a eu, sur les 6 passagers, 3 sont morts, et Amado a été très grièvement blessé. Et donc il a pas pu mener à terme évidemment la campagne. Il était en très mauvais état, entre la vie et la mort. Finalement, ça a pris 10 ans. Il a pu quand même vivre encore 10 années jusqu'en 2004. Et comme l'attentat n'avait pas réussi à lui faire perdre la vie, la deuxième couche, ça a été la fraude électorale. Ça aussi, c'est aussi bien l'attentat plus fraude, ça fait partie des recettes de la vie dite politique mexicaine. Et donc il n'a pas été élu, mais l'élection n'a pas été reconnue par l'élection du gouverneur qui s'appelait, je ne sais comment, Robledo Rincón, peut-être un truc comme ça. Bon, bref, on va l'oublier. Il y en a eu 6 en 6 ans. C'est tous les 6 ans. Il y en a eu 6 des gouverneurs, membres tous du PRI. Ce qui a changé par la suite au Chiapas. Mais dans un premier temps, Amado a été considéré comme un gouverneur en rébellion. Donc là, ça va, c'est à peu près, on peut déjà... Et il y a tous ceux qui avaient soutenu sa candidature ont formé une sorte aussi de... Finalement, de quelque chose qu'on va retrouver plus tard, en 2006, à travers l'Assemblée populaire de Oaxaca. Il y a eu l'Assemblée populaire, une sorte d'Assemblée populaire des peuples du Chiapas. À travers leurs organisations sociales, leurs communautés, leurs organisations de quartier, etc. Voilà, donc à ce moment-là, au début des réseaux de solidarité, fin 94 et toute l'année 95 et encore 96, cette symbolique-là du gouverneur en rébellion et surtout